caliente. Chez Barres, yeah. Headphone, don't stop, don't stop. DJ Kent, don't stop, don't stop. Musique, don't stop, don't stop. DJ Fizz, don't stop, don't stop. معنى باليش كيفاش حبيتك وغرامك نجالي ton corps sur ce beat complètement dément. Retourne ton appartement, on fout la yard dans ton département. So fresh, so clean, en air dénant. Yeah, plaque ton taf ce week-end, des soirs la brise quand place au mac et l'espace et tous mes brigands. J't'apporte du Red Bull, de la vache, me sens puissant. Du funky, du fun, de la folie, j'suis dans mon élément. J'entre dans la place, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Elephant, un dieu qui débarque avec ses fortas. J'fume une chiche, juste autant que la foule se tasse. J'prends un verre, j'relue, que j'scrute toute la masse. Ce soir, t'as fait la hata. Broche, maquillage, t'as fait tout comme il faut, c'est la fiesta. DJ Kent, dance, dance, laisse exciter la party. Que les ladies attaquent au best boy, hey, for my hey. M'allez d'aller, j'kiffais, j'habitais. Ou vraiment, que n'est-ce pas? J'ai du feeling avec les go 1, 2, 3, 4. Baby, come on, let's go. We fly. Ah, j'ai les mots.